soldat perdu. Une croix sur le front comme sa décoration. Ils n'ont rien prévu pour leur promotion. Même pas de se servir la révolution. Tous mes camarades sont des soldats perdus. Pense qu'à la musique et aux vies presque nues. On les accuse d'avoir des idées reçues. Peu importe leurs idées puisqu'il y a l'amitié. C'est vrai qu'ils oublient qu'ils cachent les rétroviseurs. Car tout ce qu'ils y voient c'est la réalité. C'est qu'un sort est jeté sur leur génération. Ils n'ont pas envie de rentrer chez eux. Ils n'ont pas envie de faire pleurer leur mère.